vie entre le soleil et la pluie. En cas de coup dur, j'ai les frangins à l'appui. Si je veux m'en sortir, y'a pas, il faut que je m'applique. Je trace ma route en dédicace en ma clique. Je mène ma vie entre le soleil et la pluie. En cas de coup dur, j'ai les frangins à l'appui. Si je veux m'en sortir, y'a pas, il faut que je m'applique. Je trace ma route en dédicace en ma clique. Bienvenue dans l'arène, là où doute et sentiments s'égarent, c'est pas la fête. Je suis dans le doute, songe à baisser les armes, sale affaire. Me disent les aimes, mais je me fie plus aux autres. Quand la vie suit son sort, tu te sens seul et que tes amis s'en sortent. C'est la dèche, fils, ça se cave sur ton textile. Car sceptiques seront les filles, même si elles t'estiment. Donc chaque matin, la tête dans le cul, je m'en fume sec. Y'a que ma plume qui peut me cerner, m'enfermer dans ce cul-de-sac, on me dit laisse. Les putes parlent, calculent pas. Sont tous misanthropes, fais en sorte que tes tracts tapent. Avant ta mise en bière, sois-en sûr, j'accentue mes pros. Depuis 10 ans, frère, rap sédentaire. Ici, c'est l'enfer, car ma ville s'enferme. À quoi bon sert de se péter pour de la zik en fait. Trop de gars se perdent par manque de repères. Le vice en tête, y'a peut-être moyen de changer la donne sans être pessimiste. Donc je récidive au bord du précipice, j'attends que la pessimiste. Un jour de plus, où je ne sais que faire, ou bien même savoir qui fuir. Putain, poteau, je perds le nord. Chaque jour, j'ai les nerfs, je compte même plus le nombre de morts que chaque soir j'énumère et j'en ai marre. On m'a dit l'espoir fait vivre, prends tes thunes, poteau, fais vif. Mais rien à péter du genre art, je veux pas d'or. Rien à péter de charbonné, je peux pas, je dors. Toi, tu crèves après la mûre pendant qu'on cherche un peu l'amour. Y'a de la mort dans ton sachet parce que ton bonheur s'achète. Tu sens passer ton shit, tu sens pas ça sans l'échec. Toi, tu trouves ça chic, y'en a d'autres pour qui ça choque. Ça pense à faire de l'achat, l'autre il cherche après de la chatte. Je t'explique, débite la merde à plus de 100 mégas. Toujours OP, même menotte à l'arrière de la mégane 100 mégas. Constamment sur méga, car pour peu de choses tu te fais plomber. C'est de la thune qu'on cause, à l'occas passe au plan B. Dans le local y'a des plans baisse. Je mène ma vie entre le soleil et la pluie. En cas de coup dur, j'ai les frangins à l'appui. Si je veux m'en sortir, y'a pas, il faut que je m'applique. Je trace ma route en dédicace en ma clique. Je mène ma vie entre le soleil et la pluie. En cas de coup dur, j'ai les frangins à l'appui. Si je veux m'en sortir, y'a pas, il faut que je m'applique. Je trace ma route en dédicace en ma clique. Ça part en bas de sa foire, ça parle en barre, ça boit. Ça part en boîte, ça se barre. En couille, ça se lève et ça s'appelle. Parle de gros chèques, pas d'APL. Ça rêve de se faire la belle, yo, au volant d'un BM. Se font la guerre pour être en paix, veulent pas le paix. Mais à trop courir, c'est la perte, non ça paye pas. Ni en espèces, ni en PayPal. Tes projets vont se faire fumer comme au Pays-Bas. Gros, fais les choses bien, on n'est pas des secs pas. Ça se lève tôt, ça se prépare, ça se dépare. Ça s'aime et puis ça se sépare. Ça se pose, ça profite, ça sème la récolte, se profile. Ça se kiffe, ça se confie, ça sème. Et puis elle se tire comme Michael Scofield, yo. Ça hésite, ça se décide, ça se désappe, ça se désire, ça se déçoit. Et la vie te frappe comme leur désir. Et y'a des poutas de tout âge, des barges qui te font la totale. C'est trop tard, le kamikaze a déjà fait son attentat. Je regrette rien de ma vie, du meilleur comme du pire. Du manque de bouffe, du manque de bif. Ouais, c'est marrant comme tu piches plus vite. Que la vie c'est pas si facile, c'est magique. Suffit seulement d'une seconde pour que l'asile te fascine. On voulait tous être star du foot ou star du rap. On assume pas que notre avenir est flou. Qu'on n'avance pas lorsqu'on a qu'une patte. Mec c'est fou, mec c'est grave. Pour certaines convictions, certains sont capables de faire péter le C4. Façon NC4, on se reverra tous au ciel. Ne cache pas tout ce C. Ici avec de la maille, tout ce C. Dédicace à tous ceux que j'aime. Sans eux, ce ne serait pas la même. Je voulais la belle vie, m'a changé les paramètres. Comment connaître le bonheur si t'as pas connu l'inverse? Apprécier le soleil si t'as pas connu l'averse. Les jours se défilent tous, dessinent les frérots se déciment. Je voulais changer le monde là où le mec tout décide. Je mène ma vie entre le soleil et la pluie. En cas de coup dur, j'ai les frangins à l'appui. Si je veux m'en sortir, y'a pas, il faut que je m'applique. Je trace ma route en dédicace en ma clique. Je mène ma vie entre le soleil et la pluie. En cas de coup dur, j'ai les frangins à l'appui. Si je veux m'en sortir, y'a pas, il faut que je m'applique. Je trace ma route en dédicace en ma clique.